Osée chapitre 5. Écoutez ceci, sacrificateurs, et vous, maison d'Israël, soyez attentifs, et vous, maison du roi, prêtez l'oreille, car c'est à vous de faire justice, mais vous êtes devenus comme un piège en Mitzpah, et comme un raie étendu sur Tabor. Et ils ont subtilement inventé les moyens d'égorger les révoltés, mais je les châtirai tous. Je sais qui est Éphraïm, et Israël ne m'est point inconnu, car maintenant, toi, Éphraïm, tu as commis adultère, Israël est souillé. Leurs déportements ne permettront point qu'ils retournent à leur Dieu, parce que l'esprit de fornication est au milieu d'eux, et ils ne connaissent point l'Éternel. Aussi la fierté d'Israël témoignera contre lui, et Israël et Éphraïm tomberont dans leur iniquité, Juda aussi tombera avec eux. Ils iront avec leurs brebis, et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point, il s'est retiré d'avec eux. Ils se sont portés infidèlement contre l'Éternel, car ils ont engendré des enfants étrangers, maintenant un mois les dévorera avec leurs biens. Sonnez du cor à Guiba, et de la trompette à Rama, sonnez avec retentissement à Beth-Aven, on est derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera en désolation au jour de la correction, je le fais savoir parmi les tribus d'Israël comme une chose certaine. Les gouverneurs de Juda sont autant de remueurs de bornes, je répandrai sur eux ma fureur comme de l'eau. Éphraïm est opprimé, il est brisé justement, parce que de son gré il est allé après le commandement. Je serai donc à Éphraïm comme la teigne, et à la maison de Juda comme la vermoulure. Et Éphraïm a vu sa langueur, et Juda s'appelait, Éphraïm s'en est allé vers le roi d'Assyrie, et on a envoyé vers le roi Jareb, mais il ne vous pourra pas guérir, et il ne pansera point la plaie pour vous en délivrer. Car je serai comme un lion à Éphraïm, et comme un lionceau à la maison de Juda, c'est moi qui déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai la proie, et il n'y aura personne qui me l'ôte. Je m'en irai, et retournerai en mon lieu, jusqu'à ce qu'ils se reconnaissent coupables, et qu'ils cherchent ma face. Ils me chercheront de grand matin dans leur angoisse.